go go now da sofa. Mundele, l'éclaireur. Bota raba bota ngobi ba fioti fioti. Bana mo amitié. Ba o to bouger ba fric, mino mo boebi. Ba yo bouger Europe, o monakati. Ba 120 km, na e sala mato. Mino mo boebi kaka. Non, pas ça vient en haut, à Wilolongo, Manebi Kazawa, Natia Bambo Teatro. Non, pas ça vient en haut, Balumumba les Japonais. Bon, moi, la Japonaise va porter Caro Monat. Non, pas ça Bambo Teatro. Sans oublier Eric Lema, Nzila, Yemta Sali. Nasu. Merci. Babote, maman, Mondele.